Salut, on arrive, c'était pas prévu, méfiez-vous pas à première vue, parce qu'en dedans, on est comme tout le monde. Comme des culs. On est des personnes têtues perdues, en tant qu'individu, y'a trop de changements. Le monde se change, même trop souvent, devant l'école, pour avoir un peu de bon temps, devant les boss, pour avoir un peu d'argent. Pire encore, y'en a qui se transforment en fréquent. Du coin de la régie, j'entends dire qu'ils sont bien. C'est que je suis bien. Pourtant, moi, qu'est-ce que je vois, c'est qu'ils s'en vont en décroissant. Régresser, c'est leur passe-temps. Dénigrer le rap, s'ils sont forts là-dedans. S'y représenter sans rap local, c'est mal. De bord, je suis un wack, pis je m'entends d'arnaque. Qui que tu sois, où que tu sois, si tu te changes, j'oublie ça. Notre médecine t'a subira, excuse-moi, ne pardonne pas. J'suis pour mettre de l'ordre et faire le nœud poigné d'un corps. Ça déborde, ta petite crise qui dépasse les bornes. Tu finis, j'espère que oui. Oui, deux gars ridicules, fabule, sont dans leur bulle, dans la lune, pensent à leur enfance, innocent. En un enfant, ça fait pas semblant, y'en a rien à chier. S'inventer une personnalité, stéréotypée pour être fucked up. Deux gars ridicules, fabule, sont dans leur bulle, dans la lune, pensent à leur enfance, innocent. En un enfant, ça fait pas semblant, y'en a rien à chier. S'inventer une personnalité, stéréotypée pour être fucked up. Hey man, sérieux, tu me déçois, je sais pas. T'es comme, Je suis un nul, vu comme une pustule pustulante, une tarentule géante qui hante vos pensées. Juste à nous regarder, vous vous sentez crotté, avez envie de vous laver, de surtout pas nous ressembler. Fuyez ceux que vous appelez déchets sociaux. Deux visages pâles, les filles vite, comme si on avait le bas vite. Les poulettes bien faites sont toujours avec les mêmes gars, des fiers à bras, le genre qui fuck top, parce qu'ils portent la part de short qui fait pas. Aussitôt qu'ils enfilent, ça y donne du style, mais quand ils sont au lavage, comme un sauvage, ils se cachent dans sa cave. Puis si tu réussis à l'approcher, tu vas remarquer. Chien des vents violents et malodorants. Ah, c'est écœurant. Maintenant n'importe quel crouton se fait un nom en portant des pantalons fat. Tabarnak, le monde est wack. Ce genre de bébite mérite une gastro-entérite violente, accompagnée de maux de vente intense. Deux gars ridicules, fabule, sont dans leur bulle, dans la lune, pensent à leur enfance, innocent. En un enfant, ça fait pas semblant, y'en a rien à chier. S'inventer une personnalité, stéréotypée pour être fucked up. Deux gars ridicules, fabule, sont dans leur bulle, dans la lune, pensent à leur enfance, innocent. En un enfant, ça fait pas semblant, y'en a rien à chier. S'inventer une personnalité, stéréotypée pour être fucked up. Pour ne plus nous voir, nous avons caché nos miroirs et pour ne plus vous voir, on s'endort quand il fait noir. Pour nous rassurer, pour ne pas vous effrayer. Je le sais que je te fais peur, tu le sais que tu me fais peur. On le sait qu'on s'écarte. Vouloir être meilleur, c'est le code d'honneur de toute personne en bonne santé. Sentir obligé et d'écraser celui d'à côté pour se remonter. S'il y aurait pas autant d'Africains qui meurent de faim, je me sentirais pas bien d'avoir ce que j'ai, t'sais. Juste ce que j'ai, c'est pas assez. C'est jamais assez. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a, de ce qu'on est. Dans le fond, c'est un beau monde de cons en pleine dégradation. Yeah. Guinea pigs. Sur un vide de verbaliste.